Jackpot sentimental. Je capte l'image resplendissante d'un spécimen. Elle traverse un domaine dominé par des dolmens. Sa beauté fracasse mes yeux, elle fait trébucher tous les messieurs. Pour attirer cette magnifique silhouette, j'effectue des pirouettes. Je ne sais plus où donner de la tête, un peu comme une girouette. Faut que j'assure, j'aimerais l'emmener sur la Côte d'Azur. Ses yeux sont bleu azur, je t'assure. J'enfile mon polo Lacoste, je suis prêt à l'accoster. Je me décore d'un capital sympathie, je me glisse sous son parapluie. Quand je croise son regard, à chaque fois je m'égare. Je passe mon temps à l'admirer, sur elle je chante le la, le mi, le ré. Elle est chargée de fréquences électromagnétiques qui m'indiquent que la vie est féerique. J'héberge une extase monumentale, j'ai remporté le jackpot sentimental. It's a beautiful, wonderful girl, she is shining, my soul is rising. Je fais volte-face et l'enlace, je fracasse ma carapace et l'embrasse, je brise la glace, elle devient loquace. Je déclare ma flamme à cette femme sur un slam. Je lui glisse un je t'aime en démarrant la BM. Elle m'a dit oui, mon oui, en est tout ébloui. J'assiste à une déferlante éclatante de qualité surprenante. Ses paupières génèrent de la lumière. J'inspire sa joie de vivre à plein poumon. Je lui expire toute mon affection. Quand je croise son regard, à chaque fois je m'égare, je passe mon temps à l'admirer, sur elle je chante le la, le mi, le ré. Elle est chargée de fréquences électromagnétiques qui m'indiquent que la vie est féerique. J'héberge une extase monumentale, j'ai remporté le jackpot sentimental. It's a beautiful, wonderful girl, she's shining, my soul is rising. Son charisme, son magnétisme me tire dessus à bout portant. Elle rayonne tellement, quand tu te trouves à ses côtés, t'as l'impression de bronzer. Lorsqu'elle m'observe, je me sens attaqué par des rayons de soleil. Sa voix m'a tapé dans les oreilles, j'entends des chants d'oiseaux lorsqu'elle me parle. Elle harmonise chacun de mes chakras, elle efface un par un chacun de mes tracas. Elle m'aide à corriger mon attitude, me fait prendre de l'altitude. C'est ma bouteille d'oxygène quand je gravis l'Everest qu'est la vie. Cette déesse me déverse de l'ivresse sans cesse et j'en suis plus que ravi. Quand je croise son regard, à chaque fois je m'égare. Je passe mon temps à l'admirer, sur elle je chante le la, le mi, le ré. Elle est chargée de fréquences électromagnétiques qui m'indiquent que la vie est féerique. J'héberge une extase monumentale, j'ai remporté le jackpot sentimental. It's a beautiful, wonderful girl, she is shining, my soul is rising. Se prépare une romance de grande endurance, je pense. Mon avenir, je veux le gravir avec elle. Je cherche dans l'index son adresse pour réaliser mon ambition majeure, qu'elle enfile mon alliance à son annulaire en lui glissant des mots doux dans ses muscles auriculaires. J'aurais besoin d'un coup de pouce du destin pour qu'on soit liés tous les deux comme ses cinq doigts de la main. On s'envoie des lettres, on fait la fête. Je broie du blanc, je me sens bien en sa compagnie. On se fait arroser par un geyser d'harmonie. Quand je croise son regard, à chaque fois je m'égare. Je passe mon temps à l'admirer. Sur elle, je chante le la, le mi, le ré. Elle est chargée de fréquences électromagnétiques qui m'indiquent que la vie est féerique. J'héberge une extase monumentale. J'ai remporté le jackpot sentimental. It's a beautiful, wonderful girl. She is shining, my soul is rising.